passé pour le bébé, le pour la ça griffe. On a un patron des patrons Didi Kinyuani. Mon son de mon nom à ma talo. Infinity faisant aïe. Nebi vous êtes belle, vous êtes en gola, vous êtes à diamant à bini. Moi, je ne parle pas Didi Kinyuani, mon son de mon nom, mon son de ma vie. On a un patron dans le bateau, t'es plus mon beau. Merci, Nasukiwana. Jisse Soko. L'infinitif Didi Kinyuani, mon son de mon nom à ma banga. Merci. Merci. Merci. Canada. Alors, tu as dit que tu as dit que tu as dit Bino ba Pierre Binda, nenge bozana kata kamfufu kuna mbote. Masamba Kinyuani mbote. Jisse Songo mbote. Richard Kiangata, le fleuve Kiangse.